Mes pensées se bousculent, tout perd son sens. Je ne reconnais plus ma vie. Que s'est-il passé? Trahison, déception, entassée, t'anéantis toute envie. Je veux dire stop à tous ceux qui m'ont blessé, à tous ceux qui me font pleurer. Je cours après le calme, je cours après le repos. Je voudrais pouvoir fermer les yeux, respirer juste encore un peu. Je ne veux plus sans cesse me perdre dans toutes ces paroles, ces mystères qui chaque jour m'envahissent. Je veux juste lever les yeux et espérer un peu de secours. Les beaux jours sont partis, je tombe dans ce silence. Loin de toutes ces souffrances qui accablent mon cœur, je cours après le calme, je cours après le repos. Je voudrais pouvoir fermer les yeux, respirer juste encore un peu. Je ne veux plus sans cesse me perdre dans toutes ces paroles, ces mystères qui chaque jour m'envahissent. Je veux juste lever les yeux et espérer un peu de secours. Me revoilà à nouveau seul pour ne pas souffrir. Me revoilà à nouveau seul à pleurer leur départ de tous ceux qui m'ont blessé et que j'ai pourtant aimé. Je voulais partager un petit bout de leur vie, mais leur moment brisé, humilié, transformé. Des mots qui se répètent sans cesse, auxquels je veux dire stop. Tous ces mots qui m'ont blessé, de tous ces gens que j'aimais. Je cours après le calme, je cours après le repos. Je voudrais pouvoir fermer les yeux, respirer juste encore un peu. Je ne veux plus sans cesse me perdre dans toutes ces paroles, ces mystères qui chaque jour m'envahissent. Je veux juste lever les yeux et espérer un peu de secours.